rase ou konenye ou le nou beze nou pa betize konen zambi nou kanzo nou se kanson fè ou konen more pason de zambi mo hey! Kato sou le ade tradisyon an fè nou jamoun do Son de yon son nan go vi Kote mjouke tonè Fendi te bakounen lo Kule ya ka souwen lo Kule ya pou manjanre Kote mjouke tonè Fendi te bakounen lo Hey! Ya popo jan, ya popo Jan kwa manje jan bo J'aime qu'on est méchant Bonne main d'un gars si nous est ton air Pas la vie au capillé Sanchez-les, Sanchez-les Sanchez-les Qu'on va jouer, on va chalier Que les Yeah. chande Wash Osanye Wash wash Binim kayago Wash Vomisan Wash wash Achando Wash se vos non désiré Oui Nous se gansons pas Nous mauvais Nous malais Quand c'est filé Mais dites-en pas passer là Nous se gansons pas Nous c'est qu'on s'en va, nous mauvais, nous malais, quand c'est filé. Ne dit-elle pas passer là, même chave. Oui. Thank you, nous dit tout le monde merci. Merci en pile, thank you. Thank you very much. We love you. Thank you. Reste que clap pour la caille.